إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer donc l'explication qu'on a commencé du résumé de du sharh de Kitab al-Tawhid, al-Mulakhas fi sharh Kitab al-Tawhid. Et on va lire donc maintenant les autres preuves qui ont été mentionnées dans le premier chapitre. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2. Et donc on continue à la suite des preuves qu'on a mentionnées de Kitab al-Tawhid qu'on a commencé à lire hier dans le livre du Cheikh al-Fawzan. Donc le Cheikh il dit, il mentionne maintenant une autre preuve, un autre point qui a rapport avec l'importance du Tawhid et l'explication du Tawhid. Il dit قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. Donc dans ce verset Allah subhanahu wa ta'ala dit venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit de ne rien lui associer, de ne rien associer avec lui. Puis dans le verset par la suite, il y a d'autres choses qui sont mentionnées également à la suite de ce verset-là, yani du verset 151 au verset 153. Et ces trois versets-là sont mentionnés donc dans le yani dans sourate Al-An'am, le verset 153 à 151. Et le Cheikh il mentionne justement plusieurs des bienfaits qui sont mentionnés, pas seulement dans ce verset-là, mais dans le verset au complet, parce que ça c'est le verset, c'est seulement le début du verset, mais il y a d'autres choses qui sont mentionnées à la suite de cette partie-là, et c'est si on lit le verset en entier, c'est وَبِلْ وَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc ça c'est la suite du verset en question. Et qu'est-ce que ça signifie si on le traduit au complet? Dans la traduction, on voit qu'il y a la mention, après avoir mentionné, n'associez rien avec lui, et soyez bienfaisants envers vos pères et mères, ne tuez pas vos enfants à cause de pauvreté, nous vous nourrissons tout comme eux, nous les nourrissons. N'approchez pas des turpitudes, hein, des grands péchés ou des péchés graves, ouvertement ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie qu'Allah a fait sacrée. Voilà ce qu'Allah vous a recommandé de faire pour être, hein, peut-être comprendrez-vous. Et ne vous approchez des biens de l'orphelin que de la plus belle manière, jusqu'à ce qu'il ait atteint sa majorité, jusqu'à ce qu'il soit d'un âge qu'il est capable d'agir de manière raisonnable avec ses biens. Et donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Nous n'imposons à une âme que selon sa capacité. Quand vous parlez, soyez équitable. Quand vous parlez, soyez équitable, même s'il s'agit d'un proche parent. Et remplissez vos engagements envers Allah. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être vous rappellerez-vous. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc ça c'est les trois versets mentionnés ensemble le cheikh il cite donc ce verset là puis il commence à l'expliquer parce que juste à la suite de cette explication là il y a la mention des paroles d'Abdullah ibn Mas'ud à ce sujet là et puis on va les lire juste tout de suite après avoir lu l'explication du verset que le cheikh Al-Fawzan a mentionné par rapport à ce verset là. Donc dans le verset en question, dans la partie du verset en question qu'il a cité le cheikh qui est mentionné dans le kitab al-tawhid, قُلْ تَعَلَوْ أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. Il explique les mots qui sont mentionnés. Donc تَعَلَوْ قُلْ تَعَلَوْ تَعَلَوْ ça veut dire هَلُمُّ وَأَقْبِلُوا, c'est à dire venez, approchez et venez. Atlu, yani le cheikh il dit ça veut dire aqsus alaykum wa akhbirkum, c'est à dire je vais vous informer, je vais vous raconter, je vais vous mentionner, ok. Et harrama, yani qu'est-ce que votre Seigneur vous a interdit? Il dit al haram al mamnou' minhu wa huwa ma yu'aqabu fa'iluhu wa yuthabu tarikuhu. Donc, qu'est-ce qui est haram en arabe, ou selon la religion, selon les règles de l'islam, parce que al-haram, ça fait partie des quatre, ça fait partie des cinq règles, al-hakam al-khamsa, parmi les cinq règles. Donc, al-haram, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est interdit? Qu'est-ce qui est interdit? Et c'est-à-dire, dans la définition que les ulama ont donnée dans le fiqh, ou dans usul al-fiqh, on voit que c'est l'action que, ou la parole ou la chose que si tu le fais, tu vas être puni, et si tu le fais pas, si tu la laisses cette action, eh bien tu vas être récompensé de ne pas l'avoir fait, de l'avoir laissé. Donc si tu le fais, tu es puni, si tu le fais pas, si tu le laisses, pour Allah subhanahu wa ta'ala, donc tu seras récompensé de ne pas l'avoir fait. Ça c'est la définition qui est donnée de qu'est-ce qui est haram. Maintenant, ensuite, le cheikh il explique, il dit al-ayat ay ila akhir al-ayat, parce que après avoir mentionné cette partie là du verset, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit al-ayat. Souvent on va trouver ça dans un par exemple dans un texte, le cheikh il mentionne le début du verset ou bien un premier verset puis après il dit al-ayat. Al-ayat en voulant dire jusqu'à la fin de ce verset. Ou bien s'il mentionne au pluriel al-ayat, les versets qui vont suivre. C'est-à-dire les versets jusqu'à la fin de ces trois versets dans Surat al-An'am, où il y a la mention de toutes les règles qui sont citées par rapport aux règles de l'islam que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enjoint de respecter. Et donc il dit ay ila akhir al-ayat al-thalath fi Surat al-An'am min qawlihi qul ta'alaw إلى قوله في ختام الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Donc c'est-à-dire à partir du début du verset 151 jusqu'à la fin du verset 153. Et le cheikh il explique la signification générale de ce verset là. Il dit المعنى الإجمالي للآية يأمر الله نبيه أن يقول لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم تقربا للأصنام وفعلوا ذلك بآرائهم وتسويل الشيطان لهم هلموا أقص عليكم ما حرم خالقكم وما ومالككم تحريما حقا لا تخرصا وظنا بل بوحي منه وأمر من عنده وذلك فيما وصاكم به في هذه الوصايا العشر التي هي يعني والشيخ يذكر هذه الوصايا العشرة. Donc le cheikh dans ce verset là et donc il explique qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu dire de façon générale, et il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala en fait qui informe ou qui ordonne à son messager de dire ces paroles aux mushrikin, de dire aux mushrikin qui ont adoré autre que Allah, hein, que Allah subhanahu wa ta'ala, et qui ont, non, de dire aux mushrikin qui ont adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala et qui ont interdit ce que Allah leur a donné comme risque, comme subsistance, et qui ont tué leurs enfants pour se rapprocher des idoles, et qui ont fait ça selon leur propre opinion, sans se référer à une révélation, et qui ont fait ça également sous l'influence du shaitan, sous l'égarement les ruses du shaitan qui les a égarés. Donc Allah ordonne aux messagers de dire à ceux-là, venez, je vais vous raconter, je veux vous dire qu'est-ce que votre créateur et votre maître Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit d'une manière qui est certaine et véridique, hein, et non pas et qui n'est pas basée sur des suppositions ou des devinettes, hein, ou des choses de ce genre. C'est des choses qui sont basées sur une vérité qui est certaine, c'est-à-dire par une révélation divine de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que votre créateur vous a interdit de faire, et ce qu'il vous a ordonné de respecter également, et ce qu'il vous a enjoint dans ces 10 commandements qu'il cite dans ces 3 versets-là. Et ces 10 commandements-là sont tels que le cheikh il les énumère un après l'autre de manière plus détaillée et plus expliquée. Donc il dit أولاً وصاكم أن لا تشركوا به شيئا وهذا نهي عن الشرك عموما فشمل كل مشرك به من أنواع المعبودات من دون الله وكل مشرك فيه من أنواع العبادة. Donc le cheikh il dit, premièrement, il vous enjoint de ne rien associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire aucune forme de shirk. Et donc ça c'est une interdiction générale du shirk. Et ça inclut toutes les formes d'adoration ou toutes les choses que les mushrikines adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et toutes formes d'adoration qui peuvent être offertes à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, donc, et tous les mushrikines, et toutes choses qui sont associées ou offertes à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala comme adoration. Donc, ça inclut l'interdiction de toutes ces choses-là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur ordonne premièrement de cesser le shirk. Et ça, c'est le premier des commandements, et c'est le plus important de tous les commandements. Hein. Et même chez les chrétiens et chez les juifs, hein, dans leurs livres, s'ils retournent aux 10 commandements, ils vont trouver que le premier commandement, c'est l'ordre d'adorer Allah seul et l'interdiction d'associer avec lui et de faire le shirk. Hein? C'est-à-dire que Dieu est un Dieu unique et qu'on ne doit rien adorer en dehors de lui et qu'on ne doit faire aucune représentation, hein, de ce qui est vivant sur la terre, dans les cieux et sur la mer. Et on voit que, bien entendu, les kuffars et les mushrikines parmi les juifs et les chrétiens, ils ont contredit ce premier commandement-là avant tous les autres. C'est le premier des commandements et c'est le premier qu'ils ont contredit. Et c'est la même chose même de la part de certains parmi les gens qui ont dévié parmi les musulmans ou qui se disent musulmans. C'est le premier des commandements qu'ils ont contredit, hein, puisqu'ils sont tombés dans l'adoration des tombes et des saints et parfois l'adoration des chouyours et l'adoration des prophètes et des anges et des djinns. Donc ils sont tombés dans beaucoup de formes de shirk de cette manière. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est le premier commandement. Ensuite, le deuxième, le cheikh, il dit, ثانياً, وصاكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا ببرهما وحفظهما وصيانتهما وطاعتهما في غير معصية الله وترك الترفع عليهما. Donc le cheikh il mentionne comme deuxième commandement que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset que Allah subhanahu wa ta'ala vous a également recommandé et enjoint d'être bon envers vos deux parents et d'avoir un bon comportement envers eux, de faire preuve de bienfaisance envers eux, d'agir avec eux avec bonté et de les préserver, de les garder, de les protéger et de leur obéir dans tout ce qu'ils nous demandent de faire, excepté dans la désobéissance d'Allah. Et également, il nous ordonne d'abandonner l'arrogance ou l'orgueil ou le fait d'essayer de s'élever au-dessus d'eux, hein, et d'essayer de se mettre au-dessus d'eux et de refuser de leur obéir. Donc ça, c'est des exemples de ce que Allah mentionne comme deuxième commandement, et ça vient tout de suite après l'ordre d'adorer Allah seul, et donc ça nous montre en fait l'importance que Allah donne à l'obéissance aux parents et à la bonté envers les parents. Ça vient tout de suite après l'ordre du Tawhid. Comme troisième point que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne dans ce verset-là, il dit « ثالثاً ووصاكم أن لا تقتلوا أولادكم من إملاق » أي « لا تأيدوا بناتكم » يعني « لا تأيدوا بناتكم ولا تقتلوا أبناءكم خشية الفقر فإني رازقكم ورازقهم فلستم ترزقونهم بل ولا ترزقون انفسكم. Donc le cheikh explique, il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala également il leur enjoint, il vous a enjoint de ne pas tuer vos enfants par crainte de pauvreté et de ne pas tuer vos filles, parce que les mushrikoun à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils avaient une fille, ils tuaient leur fille par la honte, par la gêne que ça représentait pour eux. Donc, quand ils avaient une fille, ils allaient l'enterrer vivante. Allah musta'an. Donc, ça, c'est les exemples de la jahiliya. Hein? Et également, ils tuaient leur fils. Hein? Lorsqu'ils avaient des enfants, ils les tuaient parce qu'ils avaient peur de la pauvreté, hein? Et de la honte qui vient de la pauvreté. Et on voit même à notre époque aujourd'hui, hein, il y a des gens comme ça, quand ils ont des enfants, même qu'est-ce qu'ils font, même quand ils sont déjà nés, Allah musta'an, on a vu ça dans certaines régions du monde, hein, et même ici en Amérique du Nord, on a entendu ça aux nouvelles dernièrement, des gens qui, lorsqu'ils ont des familles et qu'ils ont perdu leur travail, eh ben ils prennent un fusil et puis ils tuent leurs enfants et leurs femmes, et après ça ils se tuent eux-mêmes. Hein, parce qu'ils ont peur de la honte et de la gêne du fait de vivre dans la pauvreté, puisqu'ils ont perdu leur travail, ils se disent bon, je pourrais plus payer ma maison, je pourrais plus payer ma voiture, je vais être endetté et mes enfants pourront plus vivre comme ils vivaient avant, ni ma femme et tout, donc pour éviter de perdre tout et de vivre dans la honte selon eux, eh bien, ils préfèrent se tuer. Et donc, ils se tuent eux-mêmes et leur famille. Allah musta'an. Donc, ça, c'est des exemples d'attitude de ces gens-là, hein, qui ne comprennent pas des fois la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans ce verset-là que c'est lui qui donne la subsistance. C'est pas vous qui donnez aux enfants en réalité la subsistance. C'est lui qui est le pourvoyeur de subsistance et qui vous donne à vous la subsistance ainsi qu'à eux. Donc ce n'est pas vous qui leur donnez à ces enfants-là leur subsistance. Au contraire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et même vous ne vous donnez même pas votre subsistance à vous-même. C'est Allah qui vous la donne. Donc ça, c'est un autre point. Le point numéro 4, Rabi'an, wa wassakum an la taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Donc, il nous enjoint également ici, dans ce quatrième point, de ne pas nous rapprocher des turpitudes et des péchés qui sont très laids, hein, dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché. Dans ce qui est apparent et dans ce qui est caché. C'est-à-dire les péchés apparents et les péchés cachés. Les péchés apparents qu'on fait, hein, qui sont apparents, et les péchés cachés qui sont faits soit en cachette ou bien qui sont faits cachés dans le sens que c'est en nous-mêmes, à l'intérieur, dans notre cœur. Le cheikh il dit cinquièmement, خامساً ووصاكم أن لا تقتلوا النفس التي حرم الله قتلها وهي النفس المؤمنة والمعاهدة إلا بالحق الذي يبيح قتلها من قصاص أو زنا بعد إحصان أو ردة بعد إسلام. Donc le cheikh explique comme cinquième point que Allah subhanahu wa ta'ala vous enjoint également de ne pas tuer l'âme que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu sacré et qu'il a interdit de tuer. C'est-à-dire l'âme du croyant, hein, on n'a pas le droit de prendre la vie du croyant, ou de prendre la vie du kafir qui a une entente de paix avec les musulmans. Excepté pour un droit de l'islam. Pour une raison que l'islam a permis, hein, que ces personnes-là soient exécutées selon les règles de la charia devant un juge, hein, selon les lois islamiques dans un pays islamique avec un dirigeant musulman. Donc ces cas-là, c'est comme par exemple les cas de qisas. Les cas de qisas, c'est-à-dire les gens qui doivent être exécutés et qui méritent la peine de mort selon la charia, parce que par exemple ils doivent être disons jugés selon le talion, la loi du talion, c'est-à-dire celui qui a tué en islam, la punition pour lui c'est qu'il subisse le même sort que ce qu'il a fait subir. Donc s'il a tué quelqu'un, il doit être tué, d'accord. Donc ça c'est pour la peine pour le meurtre. Lorsque quelqu'un a tué, il est exécuté lui-même à son tour, après avoir été jugé et après qu'on a établi que cette personne-là a commis ce crime, donc il sera exécuté à son tour. Ou bien si la personne a commis un acte d'adultère, hein, donc dans ce cas-là, il sera exécuté également. Lorsque cette personne-là était mariée puis qu'elle a eu un rapport sexuel en dehors du mariage, alors dans ce cas-là, il sera exécuté. Et également lorsque une personne a apostasié sa foi, hein, lorsqu'il a quitté l'islam après avoir cru en l'islam, cette personne-là, elle est exécutée également selon les règles de la charia de l'islam après avoir été jugée et après avoir invité cette personne-là à se repentir et à revenir à la foi et après avoir essayé de clarifier les choses qui lui ont causé des doutes ou des problèmes. Si la personne après ça refuse de revenir à la foi, eh bien selon les règles de l'islam, elle sera exécutée dans un pays islamique, dans un pays musulman, selon les règles de l'islam. Et ça c'est le cinquième point. Le point numéro 6, sadisan wa wassakum an la taqrabu mal al yatim wa huwa al tifl alladhi mata abuhu illa billati hiya ahsan min tasrifihi بما يحفظه وينميه له حتى تدفعوه إليه حين يبلغ أشده أي الرشد وزوال السفه مع البلوغ. Donc le cheikh explique maintenant le sixième point, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint également que vous n'avez pas le droit d'approcher des biens, de l'argent, de la richesse de l'orphelin, hein, qui est enfant, qui est encore enfant, et donc ses deux parents sont décédés alors qu'il était enfant, plutôt son père qui est décédé alors qu'il était enfant. Vous n'avez pas le droit d'approcher ses biens, excepté d'une manière qui est correcte, c'est-à-dire de s'occuper de ses biens pour faire en sorte que sa richesse continue à augmenter, c'est-à-dire d'essayer de faire fructifier son argent au lieu de le laisser stagnant puis de de les laisser diminuer petit à petit, de s'en occuper de la meilleure manière. Donc si on s'en occupe de cet argent-là, c'est, si on approche de cet argent, c'est uniquement dans yani billati hi ahsan, c'est-à-dire de la meilleure manière, et non pas pour s'en occuper pour manger l'argent de l'orphelin. Hein? Donc on s'en occupe jusqu'à ce qu'il yani atteigne son âge, l'âge de raison, ou l'âge de yani l'âge de raison, ou bien l'âge de puberté, et aussi l'âge de puberté, et aussi yani le moment où la personne est capable de s'occuper de ses biens et de d'utiliser ses biens avec yani, avec yani intelligence, ou bien d'une manière raisonnable, c'est-à-dire qu'il va pas dépenser son argent bêtement dans n'importe quoi. سابعاً وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها أي أقيموا العدل في الأخذ والإعطاء حسب استطاعتكم. Donc le cheikh il explique, il dit, septièmement, respectez le poids et la mesure en toute justice, et ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il dit qu'il ne fait pas charger, il ne charge pas une âme d'un poids qu'elle ne peut pas porter. C'est-à-dire, établissez la justice lorsque vous prenez et lorsque vous donnez, selon votre capacité. Donc, il faut faire preuve de justice, hein, et pas tricher ou tromper les gens. Hein. Et ça, c'est très important. Allah al-Musta'an. Et huitièmement, parce que dernièrement, il y a eu des reportages qui ont été faits justement par rapport à certaines choses qui ont été mentionnées sur la question des certificats de viande halal, hein, et dans certains reportages on montrait que certains mettaient un certificat d'assermentation pour dire que quelque chose est halal alors que c'est pas nécessairement vrai, et le seul but c'était justement de vendre. Et ça, c'est des exemples de malhonnêteté. Hein. Et l'islam nous demande d'être juste et d'être véridique. Donc ça, c'est des exemples. Saminan, wa idha qultum fa'dilu walau kana za qurba. Huitièmement, et lorsque vous dites quelque chose, alors soyez juste, même si c'est quelque chose qui concerne la parenté ou les proches. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh dit comme huitième point, amara bil fi'l amara bil adl fi al qawli ala al qarib wal ba'id ba'da al amr bil adl fi al fi'l. Donc après avoir mentionné le fait d'être juste dans les actions, il mentionne le fait d'être juste dans la parole, même quand c'est contre un proche. Et donc si on doit être juste et dire une parole de vérité contre un proche, si on doit témoigner contre un proche, alors c'est encore plus évident que on doit dire la vérité et témoigner de façon juste lorsqu'il s'agit d'une personne qui est plus éloignée, hein. Donc ça c'est l'exemple. Wa idha qultum fa'dilu walau kana za qurba. Donc lorsque vous parlez, dites la justice, soyez juste, hein, même si c'est un proche, même si ça concerne votre père ou votre mère ou quelqu'un de la famille. Ensuite, le cheikh dit tasi'an wa bi'ahdillahi, c'est-à-dire ay wasiyatahu allati wassakum biha awfu ay inqadu lidhalika bi an tuti'uhu fi ma amara bihi wa naha anhu wa ta'malu بكتابه وسنة نبيه. Donc le cheikh explique comme neuvième point qu'on doit garder les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et son pacte qu'il a pris avec nous, et on doit le respecter et on doit se soumettre à ça et lui obéir dans ce qu'il nous ordonne et dans ce qu'il nous interdit, et d'agir selon qu'est-ce qui est dans son livre et dans la sunna de son messager, de son prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dixièmement, c'est le dernier des 10 commandements qui sont mentionnés dans ces versets. عاشرًا وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أي الذي أوصيتكم به في هذين الآيتين من ترك المنهيات وأعظمها الشرك وفعل الواجبات وأعظمها التوحيد وهو الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل البدع والشبهات فتفرق بكم عن سبيله تميل وتشتت بكم عن دينه. Donc le cheikh explique comme dixième point, et voilà mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser ou vous écarter de son chemin. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a enjoint et recommandé ou ordonné de respecter qu'est-ce qu'il vous a mentionné dans ces deux versets-là, d'abandonner ce qu'il vous a interdit. Et parmi ces choses-là, la plus grande d'entre elles, c'est l'interdiction du shirk. Et il vous enjoint également de faire les obligations. Et parmi ces choses-là, il y a bien entendu yani le tawhid, l'ordre du tawhid, qui est la plus grande, le plus grand de tous les commandements. Et c'est ça le droit chemin. C'est ça le droit chemin, et c'est pour ça qu'il nous ordonne de le suivre, suivre ce chemin, et de ne pas suivre les petits sentiers, c'est-à-dire les innovations, et les doutes, et les ambiguïtés, et les shubuhat. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ. C'est-à-dire que si vous prenez ces petits sentiers-là, ils vont vous faire pencher, et vous faire détourner, et vous diviser de votre, par rapport à votre religion. Et donc, ça c'est qu'est-ce qui est mentionné dans ces 10 commandements. Et le cheikh dit مُنَاسَبَةُ الْآيَةِ لِلْبَابِ أَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ ذَكَرَ فِيهَا جُمَلًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ابْتَدَأَهَا بِالنَّهِي عَنِ الشِّرْكِ وَالنَّهْيُ عَنْهُ يَسْتَدْعِي الْأَمْرَ بِالتَّوْحِيدِ بِالْإِقْتِضَاءِ فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ التَّوْحِيدَ أَوْجَبَ الْوَاجِبَاتِ وَأَنَّ الشِّرْكَ أَعْظَمُ الْمُحَرَّمَاتِ. Donc le cheikh explique que c'est quoi le lien avec le chapitre par rapport à ce verset. Il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, dans ces versets, il mentionne plusieurs aspects, plusieurs choses qui ont été interdites. Et il mentionne il commence par la mention de l'interdiction du shirk. Et le fait d'interdire le shirk, eh bien, ça implique également l'ordre du tawhid, parce qu'il y a un principe dans l'islam, c'est que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala ordonne quelque chose, ça implique l'interdiction de son contraire. Et lorsque Allah subhanahu wa ta'ala interdit quelque chose, ça implique l'obligation de son contraire. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il interdit le shirk, eh bien ça implique automatiquement l'ordre du tawhid et l'obligation d'établir le tawhid. Donc l'interdiction du shirk implique l'ordre du tawhid. Et donc ça implique quoi? Ça implique que le tawhid est la plus grande des obligations et que le shirk est la plus grande des interdictions, la plus importante et la plus grande des interdictions. Maintenant, les points qui peuvent être extraits de ce verset, le cheikh il dit, il mentionne huit points, et il commence en disant أولاً أن الشرك أعظم المحرمات وأن التوحيد أوجب الواجبات. Il dit qu'est-ce qu'on peut tirer de ces versets, c'est que le shirk c'est le plus grand des péchés, le plus grand des choses interdites, et le tawhid c'est la plus grande des obligations. Et ça c'est mentionné également dans Kitab al-Tawhid, dans le livre de Al-Usul al-Thalatha du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il mentionne justement que la plus grande des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, c'est le tawhid, et que la plus grave de toutes les choses que Allah a interdit, c'est le shirk. Ensuite il dit comme deuxième point, وعظم حق الوالدين également comme deuxième point la grandeur des droits que les deux parents ont sur nous. ثالثا تحريم قتل النفس بغير حق لا سيما اذا كان المقتول من ذوي القربى. Donc l'interdiction de prendre l'âme, de prendre une âme sans droit ou injustement, et en particulier lorsque la personne tuée fait partie des proches. رابعا تحريم اكل مال اليتيم ومشروعية العمل على إصلاحه. L'interdiction, quatrième point, c'est l'interdiction de prendre injustement les biens de l'orphelin et la permission d'utiliser ces biens-là dans son intérêt, c'est-à-dire dans un intérêt qui est bon pour l'orphelin, de l'utiliser pour le faire fructifier ou pour l'augmenter, comme si par exemple de l'investir dans quelque chose qui est bénéfique pour que son argent augmente. Cinquièmement, وجوب العدل في الأقوال والأفعال على القريب والبعيد. L'obligation d'être juste dans nos paroles et dans nos actions vis-à-vis du proche parent ou de la personne éloignée, c'est-à-dire la personne avec qui on n'a pas nécessairement de lien de parenté. سادسا وجوب الوفاء بالعهد. Sixièmement, l'obligation de respecter nos ententes et nos pactes et nos contrats. Septièmement, وجوب اتباع دين الإسلام وترك ما عداه. Septièmement, l'obligation de suivre la religion de l'islam et d'abandonner ce qui est en dehors de l'islam. Et huitièmement, أن التحليل والتحريم حق لله. Que le fait de rendre halal ou de rendre haram quelque chose, ça c'est un droit qui est exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc ensuite, maintenant, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il mentionne les paroles d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. إذ قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. Donc ici dans cette citation qui est mentionnée, il dit, le cheikh il mentionne, il dit que donc Abdullah ibn Mas'ud il dit, celui qui veut voir le testament que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé et sur lequel il y a son sceau, alors qu'il récite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 151 à 153. Et il commence à mentionner, dit au Muhammad, venez, je vais vous réciter ce que votre Seigneur vous a interdit. Jusqu'à la fin du verset 153, où il dit, et voici mon chemin droit dans toute sa rectitude, alors suivez-le. Donc il a récité les trois versets, pour indiquer que, en réalité, ces trois versets-là, c'est en fait le testament que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a laissé pour sa umma. Et à propos de cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, justement, c'est une parole qui est hassan, qui est bonne, et elle est rapportée dans plusieurs livres, comme par exemple par At-Tabarani dans Al-Kabir et dans Al-Awsat, et par Ibn Abi Hatim dans son tafsir, également par Al-Bayhaqi dans Al-Shu'ab, et il y a différentes narrations. Et Cheikh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i a déclaré cet asar comme étant Hassan. Et na'am, donc ça c'est qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là. Et également, il y a une autre asar qui est rapportée par Abdullah ibn Mas'ud, justement, dans le même contexte de ce verset, le verset 153. c'est le hadith ou la, la parole qui est souvent citée dans les livres de Aqidah par les ulama lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé une ligne droite sur le sol et à gauche et à droite de cette ligne il a fait des traits courts et il a commencé à mentionner donc que la ligne droite c'est le chemin d'Allah qui est droit. Puis les petits sentiers qui sont à gauche et à droite, ce sont des sentiers d'égarement, et qu'à la tête de chacun de ces petits sentiers-là, il y a un shaitan qui invite les gens à le suivre. Et c'est là qu'il a récité le verset 153 dans sourate Al-An'am. Donc ça c'est pour montrer donc que cette asar, c'est une asar qui est connue, hein, qui est rapportée dans la musnad de l'imam Ahmad, et qui est authentifié par Ibn Hibban dans son Sahih et par Al-Hakim également. Il dit à propos de cette parole: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرج. C'est un hadith qui a une chaîne de transmission qui est authentique mais qui n'a pas été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Toutefois, il est authentique quand même. وقال الهيثمي. Donc il mentionne ensuite d'autres citation en tout cas des rapporteurs qui ont rapporté dans leur livre. Donc ça c'est à ce sujet là. Ok. Donc le cheikh il dit Ibn Mas'ud wa huwa Abdullah Ibn Mas'ud Ibn Ghafil Ibn Habib Al-Hudali صحابي جليل من السابقين الأولين من كبار علماء الصحابة لازم النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي سنة 32 هجريا. Donc Abdullah ibn Mas'ud, son nom au complet c'est Abdullah ibn Mas'ud ibn Ghafil ibn Habib al-Hudali. C'est un sahabi, un noble sahabi parmi les premiers qui ont accepté l'islam, et il fait partie des grands ulama parmi les sahaba. Il est resté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam constamment. Et il est mort en l'an 32. Hein, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est mort en l'an 32 de la hijra. Après la, 32 ans après la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit à propos de cette parole, donc le mot wasiya, dihi al-amru al-mu'akkad al-muqarrar. Donc al-wasiya, c'est la chose qui est certaine, qui a été confirmé. Donc c'est ça la signification du mot wasiya. Khatimuhu allati alayhi khatimuhu alayha khatimuhu. Donc le sceau sur lequel il y a son sceau, khatim, le cheikh dit al khatim bi fathi ta wa kasriha halaqatun dhat fass min ghayriha. وختمت على الكتاب بمعنى طبعت. نعم. Donc le terme khatim c'est utilisé comme pour désigner un sceau, hein, et également pour désigner une bague, parce qu'à l'époque souvent on utilisait une bague avec un truc dessus, un dessin ou un truc dessus, quelque chose d'écrit dessus, pour sceller les lettres, pour l'utiliser comme sceau, pour authentifier ou certifier qu'une lettre était d'un tel ou d'un tel. Et le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il avait une bague, justement, avec laquelle il faisait un sceau sur les lettres lorsqu'il envoyait des messages à d'autres personnes, et c'était écrit donc Muhammadun Rasulullah dessus. Hein? Et donc il utilisait cette bague comme un sceau. Donc quand on dit khatamtu ala al-kitab bi ma'na taba'tu, c'est-à-dire quand tu dis j'ai scellé j'ai mis mon sceau sur le livre, c'est-à-dire j'ai scellé ce livre, ou bien j'ai mis mon étampe dessus. Al-ma'na al-ijmali lil-athar yadhkur ibn Mas'ud radiyallahu anhu anna ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam law wassa لم يوصي إلا بما وصى به الله تعالى فإن الله قد وصى بما في هذه الآيات. لأنه سبحانه قد ختم كل آية منها بقوله ذلكم وصاكم به. وإنما قال ابن مسعود ذلك لما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الرزية كل الرزية ما حال بيننا وبين أن يكتب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيته فذكرهم ابن مسعود رضي الله عنه أن عندهم من القرآن ما يكفيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي إلا بما في كتاب الله. مناسبة هذا الأثر للباب بيان أن ما ذكر في هذه الآيات كما هو وصية الله فهو وصية رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى الله به. Donc le cheikh explique que la signification générale de cette parole, c'est que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé un testament, quelque chose après lui, comme par exemple consigne après sa mort, il n'aurait donné comme consigne rien d'autre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait uniquement ce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonnait. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ces consignes dans ces versets-là. Parce qu'on voit que à la fin de chaque verset, il mentionne « ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ » Voici ce que Allah subhanahu wa ta'ala vous a enjoint. Et donc, ça c'est la preuve que c'est la wasiyya d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Abdullah ibn Mas'ud, il a dit ça uniquement lorsque Abdullah ibn Abbas mentionnait justement que il se plaignait de qu'est-ce qui avait empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de nous écrire des consignes avant sa mort, des choses de ce genre. Et Abdullah ibn Mas'ud lui a répondu en disant que c'était pas nécessaire, que le Coran il est suffisant, il leur était suffisant. Et que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait laissé quelque chose comme consigne avant de mourir, il n'aurait donné comme consigne rien d'autre que ce qui est dans le livre d'Allah. Et la raison pour laquelle le cheikh il mentionne cette parole, cet asar, dans ce chapitre, c'est pour mentionner justement ce qui est mentionné dans ces versets-là, du fait que c'est la consigne ou le testament que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, nous enjoint de respecter, qui est en réalité donc qui est le testament du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce qu'il nous enjoint de respecter et de suivre après sa mort, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il n'ordonne que ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné. D'accord? Donc le cheikh ensuite il mentionne les points qui peuvent être tirés de les points bénéfiques qui peuvent être tirés de cette parole de Abdullah ibn Mas'ud. Il dit ما يستفاد من قول ابن مسعود أهمية هذه الوصايا العشرة وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يوصي بما أوصى به الله فكل وصية لله فهي وصية لرسوله صلى الله عليه وسلم. Donc, premier point, c'est l'importance de ces 10 commandements qui sont mentionnés dans ce verset. Et deuxième point, c'est que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il n'ordonne que ce que Allah a ordonné de respecter. Et donc, toute chose que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné ou a enjoint comme conseil ou comme ordre ou comme explication ou mention, eh bien en réalité c'est le conseil de son messager également sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'ordre de son messager également. Et comme troisième point, umqu ilmi sahabati wa diqqatu fahmihim li kitabillah. c'est-à-dire la connaissance ou la science profonde des Sahaba, à quel point ils comprennent la révélation et la religion avec une profondeur et avec une précision dans leur compréhension du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est qu'est-ce qui a été dit par rapport à la parole de Abdullah ibn Mas'ud. Et maintenant on va terminer inshallah avec on va terminer ce chapitre avec la lecture du dernier hadith qui est rapporté dans ce chapitre, et c'est le hadith qui est rapporté selon Mu'adh ibn Jabal, hein. Et il dit donc le cheikh محمد بن عبد الوهاب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتكلوا أخرجاه في الصحيحين. Donc ici le cheikh il enseigne donc ce hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. يعني il dit selon Mu'adh ibn Jabal, il dit, j'étais le compagnon sur le dos d'un âne avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'il était en compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à dos d'âne. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Mu'adh, oh Mu'adh, est-ce que tu sais quel est le droit que Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah, hein? Et il dit, Allah et son messager savent mieux. Alors il a répondu, il a dit, le droit d'Allah sur ses serviteurs, c'est qu'il l'adore lui seul, qu'il n'associe rien avec lui. Et le droit des serviteurs, que les serviteurs ont sur Allah, c'est qu'il ne châtie pas personne qui n'a rien associé avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, Mu'adh ibn Jabal, radiallahu anhu, il dit, ô messager d'Allah, n'est-ce pas que je devrais annoncer la bonne nouvelle aux gens? Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, ne leur donne pas la bonne nouvelle, parce qu'ils vont se reposer là-dessus seulement. Hein? Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, comme on l'a dit au début, c'est un hadith sahih. Parce que c'est le plus haut degré d'authenticité dans les hadiths, c'est les hadiths qui sont rapportés par Al-Bukhari et Muslim ensemble. Puis ensuite, ce qui est rapporté par Al-Bukhari, puis ensuite ce qui est rapporté par Muslim. Donc ça, c'est les hadiths les plus authentiques. Hein? Donc, le cheikh, il explique maintenant. Mu'adh, qui est Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu. الشيخ دي هو معاذ بن جبل ابن عمرو ابن أوس ابن كعب ابن عمرو الخزرجي الأنصاري صحابي جليل مشهور في من أعيان الصحابة وكان متبحرا في العلم والأحكام والقرآن وشهد غزوة بدر وما بعدها واستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على أهل مكة يوم الفتح يعلمهم دينهم ثم بعثه إلى اليمن قاضيا ومعلما مات بالشام سنة 18 هجريا وله 38 عاما donc وله 38 عاما. Donc il explique ici Mu'adh ibn Jabal qui il est. Son nom c'est Mu'adh, fils de Jabal, fils de Amr, fils de Aus, fils de Ka'b, fils de Amr, al-Khazraji, hein? Al-Khazraji al-Ansari. C'est un noble sahabi qui est très connu parmi les plus importants des sahaba. Il était rempli de science, de la connaissance de l'islam. Hein? C'était un océan de science. et il connaissait très bien les règles de la religion ainsi que les règles du Coran. Donc c'était un grand savant de l'islam. Il a été parmi les gens qui ont été présents dans la bataille de Badr et ainsi que dans les autres batailles qui ont suivi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est allé pour prendre la Mecque, hein, lorsqu'il a conquéré la Mecque à la fin de sa vie, et qu'il est retourné à Médine par la suite, il a laissé comme responsable de la Mecque pour diriger, pour s'occuper de la Mecque en son absence, celui qui était responsable de gérer la Mecque, c'était Mu'adh ibn Jabal. Donc il lui a donné la responsabilité de gérer la Mecque pendant son absence après qu'il l'ait conquise. Et il leur a enseigné donc la religion de l'islam. Hein? Puis ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé aux gens du Yémen comme juge, hein, et comme professeur, comme enseignant pour leur expliquer l'islam. Puis Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il est décédé plus tard dans la région du Sham, c'est-à-dire dans la région de la Syrie, 18 ans après la Hijra. Il avait 38 ans au moment de sa mort. Et le cheikh explique maintenant les termes qui sont mentionnés ou utilisés dans ce hadith. Donc dans ce hadith, il y a le terme de radif. Il dit kuntu radif. Donc Mu'adh ibn Jabal dit kuntu radifu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala himar. Le cheikh dit ar-radif huwa alladhi tahmiluhu khalfaka ala dhahr ad-dabba. Donc ar-radif, ça veut dire quoi en arabe? Ça veut dire celui que tu transportes avec toi sur le dos d'un animal. Hein? C'est ton passager, un passager que tu transportes avec toi sur le dos d'un animal. Ensuite, il dit atadri. Atadri, ça veut dire quoi? Hal ta'rif. C'est ça que ça signifie. Donc, ça veut dire est-ce que tu sais ou connais-tu? C'est ça que ça signifie. Wa haqqullah. Haqqullah ma yastahiquhu wa yaj'aluhu mutahattiman 'ala al-'ibad. Donc, haqqullah, c'est le droit que Allah a, hein, son droit à lui, qu'est-ce qu'il mérite, et qui est obligatoire et certain, hein, sur ses serviteurs. Le droit certain qu'il a sur ses serviteurs. Wa haqqul ibad 'ala Allah ma katabahu 'ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. Donc, le droit de ses serviteurs, le droit des serviteurs sur Allah, c'est quoi? C'est ma katabahu ala nafsihi tafaddulan minhu wa ihsanan. C'est-à-dire le droit que Allah a sur ses serviteurs, le droit que les serviteurs ont sur Allah, c'est qu'est-ce que Allah s'est rendu obligatoire pour lui-même, qu'est-ce qu'il s'est prescrit à lui-même par sa grâce et par sa bonté. C'est-à-dire que bien entendu les serviteurs d'Allah, les créatures d'Allah ne peuvent rien imposer à Allah, ils n'ont aucun droit sur Allah. S'ils ont un droit quelconque sur Allah, c'est parce que Allah se l'est prescrit à lui-même et se l'est ordonné à lui-même de leur donner ce droit-là. Mais ce n'est pas un droit qui leur revient, hein, obligatoirement. C'est uniquement parce que Allah veut leur faire cette grâce-là et veut leur faire preuve de bonté. C'est ça la signification quand on dit le droit des serviteurs, hein, sur Allah. Ubashir al-Nas, il dit, n'est-ce pas que je devrais informer les gens et leur donner la bonne nouvelle? Il dit, Ukhbiruhum bidhalika li yusarru bihi. C'est-à-dire, n'est-ce pas que je devrais leur donner cette nouvelle pour qu'ils soient contents, pour qu'ils se réjouissent de cette nouvelle-là? Il dit, fayattakilu, hein, la tubashirhum fayattakilu. À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit à Mu'adh, non, ne leur donne pas cette bonne nouvelle, parce qu'ils vont se reposer uniquement là-dessus. Ya'tamidu, le cheikh explique, fayattakilu. Yattakilu, il dit, ça veut dire, ya'tamidu ala dhalika fayatruku tanafusa fil a'mal salihah. Donc, si tu leur dis ça, ils vont se reposer uniquement là-dessus, et se baser là-dessus seulement, puis ils vont abandonner la compétition dans les bonnes œuvres. Donc, c'était pour en fait faire en sorte que les gens ne se reposent pas uniquement sur l'espoir en cette promesse et en ce droit qu'ils ont, hein, du fait que s'ils n'associent rien avec Allah, hein, ils ne vont pas être châtiés par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour qu'ils continuent à compétitionner dans les bonnes œuvres entre eux, ou pas qu'ils se reposent uniquement sur cette promesse. Et ensuite, le cheikh il donne la signification générale du hadith. المعنى الإجمالي للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد في فضل وفضله أراد أن يبين وجوب التوحيد على العباد وفضله فألقى ذلك بصيغة الاستفهام ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم فلما بين صلى الله عليه وسلم لمعاذ فضل التوحيد استأذنه معاذ أن يخبر بذلك الناس ليستبشروا فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك خوفا من أن يعتمد الناس على ذلك فيقلل من الأعمال الصالحة. Donc le cheikh il explique que la signification générale du hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu clarifier et expliquer l'obligation du tawhid sur les serviteurs et son mérite, le grand mérite que le tawhid a. Et également, il lui pose la question, il lui donne l'importance du tawhid en lui posant la question. Et donc, sous une forme interrogative, pour que cette information-là reste plus profondément inscrite dans son âme et dans son cœur, et pour que cette chose-là soit plus claire dans la compréhension de l'enseignant. Dans le sens que c'est une méthode d'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait souvent lorsqu'il voulait enseigner ses compagnons. Pour attirer leur attention, puis pour leur faire comprendre l'importance d'une chose, il commençait par leur poser la question. Et dans cette version du hadith que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ici, on voit qu'il lui pose la question « Atadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah » Est-ce que tu sais quel est le droit, ou sais-tu quel est le droit que Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Il lui mentionne ça une seule fois dans cette version. Toutefois, dans les hadiths qui sont mentionnés dans Sahih Muslim et dans Sahih al-Bukhari, il y a dans certaines versions le fait que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, redemande plusieurs fois la question à Mu'adh ibn Jabal avant de lui répondre. Donc il lui pose la question une fois, est-ce que tu sais quel est le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et le droit que les serviteurs ont sur Allah? Et Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, il répond en disant Allah wa rasuluhu a'lam. Allah et son messager savent mieux, et donc il répète ça plusieurs fois, trois fois même, dans certaines versions, pour vraiment que Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu porte attention et réfléchisse et mémorise bien comme il faut la réponse du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ensuite il dit, donc lorsqu'il lui a expliqué, lorsque le messager sallallahu alayhi wa sallam répond à Mu'adh, il lui répond et donc il lui explique le mérite du tawhid, que ça fait qu'en réalité quelqu'un qui reste sur le tawhid, il sera exempté du châtiment d'Allah. Et donc Mu'adh radiyallahu anhu, il demande au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam la permission pour donner la bonne nouvelle à tout le monde de ce sujet. Et le messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui interdit, l'empêche de le faire, par crainte que les gens se reposent uniquement sur ça et qu'ils diminuent des efforts dans les bonnes œuvres. Le cheikh explique, munasabatul hadith lil bab, parce que en passant, Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu, dans la narration du hadith dans Sahih Muslim, il mentionne que il a mentionné ce hadith, il a dit ce hadith-là uniquement avant de mourir. Il a attendu jusqu'à la fin de sa vie pour le dire, et il l'a dit à la fin de sa vie par crainte de cacher une parole de vérité et dans le fait de cacher la science aux hommes. Donc il a cité le hadith pour éviter donc de tomber dans le péché de cacher la science. Donc il l'a dit uniquement à la fin de sa vie, hein, et donc c'est pour faire comprendre en fait qu'il voulait garder ce hadith-là jusqu'à ce qu'il n'ait plus le choix de le dire. Puis ensuite, le cheikh explique pour quelle raison ce hadith-là a été mentionné dans ce chapitre. Il dit « مناسبة الحديث للباب أن فيه تفسير التوحيد بأنه عبادة الله وحده لا شريك له » Donc, pour quelle raison le cheikh mentionne ce hadith dans ce chapitre? C'est parce que dans ce hadith, il y a l'explication du tawhid. C'est-à-dire que le tawhid, c'est l'adoration d'Allah seul. Hein, adorer Allah lui seul, sans lui donner aucun partenaire dans l'adoration. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce hadith-là comme bienfait et comme point bénéfique? Le premier point, تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار وأردف عليه خلاف ما عليه أهل الكبر. Donc ici on voit la modestie, ça c'est le premier point, la modestie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, du fait qu'il a, il est monté sur un âne, hein, et il a pris un passager avec lui, et ça c'est le contraire de ce que feraient les gens de l'orgueil et de la fierté, hein, et de l'arrogance. Il refuserait de monter sur un âne et il refuserait de prendre avec eux un passager. ثانياً جواز الإرداف على الدابة إذا كانت تطيق ذلك. La permission de prendre un passager sur une monture si la bête est capable de le supporter. ثالثاً التعليم بطريقة السؤال والجواب. Troisième point, on peut tirer de ce hadith la méthode d'enseignement par la question et la réponse. رابعا أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم. Donc celui qui est questionné au sujet de quelque chose qu'il ne sait pas, il doit répondre en disant Allahu أعلم, c'est Allah qui sait mieux. Et par rapport à ça justement, on voit que Mu'adh ibn Jabal, il dit Allah sait mieux ainsi que son messager. Hein? Allah et son messager savent mieux. Et ça, c'est quelque chose que les sahabas répondaient parce que à cette époque-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était vivant. Hein? Toutefois, aujourd'hui, on se limite à dire Allahu a'lam. Si c'est quelque chose qui a rapport avec la religion, on peut quand même dire Allahu a'lam quand c'est des informations qui ont rapport avec la charia, on peut quand même dire Allahu wa rasuluhu a'lam, mais si c'est des choses qui ont rapport avec l'avenir et la connaissance du rêve, on n'a pas le droit de dire wa rasuluhu a'lam, que le messager le sait, parce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas le rêve. D'accord? Donc, quand on ne sait pas quelque chose, si on est questionné, on se limite à dire Allahu a'lam, Allah sait mieux. ومعرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوا خامسا معرفة حق الله على العباد وهو أن يعبدوه وحده لا شريك له. De connaître le droit que Allah a sur ses serviteurs, et c'est-à-dire qu'il l'adore lui seul sans associer, sans partenaire. سادسا أن من لم يجتنب الشرك لم يكن آتيا بعبادة الله حقيقة ولو عبده في الصورة. Le sixième point, c'est que celui qui ne s'est pas écarté du shirk, donc dans ce cas-là, il n'a pas établi l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon réelle. Il n'a pas réellement adoré Allah, même si en apparence il a fait une adoration, il a l'air d'adorer Allah. On dirait qu'il adore Allah, mais en réalité, ce n'est pas une adoration puisque il ne s'est pas écarté du shirk. سابعا فضل التوحيد وفضل من تمسك به. Septièmement, le mérite du tawhid et le mérite de celui qui s'est accroché au tawhid. Et septième point, تفسير التوحيد وأنه عبادة الله وحده وترك الشرك. Huitième point, c'est l'explication du tawhid et que ça signifie d'adorer Allah lui seul et que ça signifie d'abandonner le shirk, de ne pas faire aucune forme de shirk. Et tasi'an, neuvièmement, استحباب بشارة المسلم بما يسره. Neuvièmement, le fait qu'il est recommandé de donner aux musulmans une bonne nouvelle qui va le réjouir. Dixième point, جواز كتمان العلم للمصلحة. Dixième point, la permission de cacher la science lorsque ça amène un bienfait quelconque, hein, un intérêt ou un bienfait. Hein, comme on voit ici dans ce hadith-là, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit à Mu'az, hein, ne leur informe pas de ça pour pas qu'ils ne se reposent uniquement sur ça. Donc ça, c'est un exemple. Donc, des fois, il y a certaines choses, il faut pas le dire n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance. Il y a certaines choses, c'est mieux de ne pas le dire dans certaines situations, dans certains cas, pour éviter un plus grand mal. Hein? Et onzième point, donc le cheikh il mentionne le point numéro 11, تأدب المتعلم مع معلمه. C'est ça, les bonnes manières ou la manière à avoir, le bon comportement à avoir, le bon comportement de l'étudiant face à son enseignant, face à son professeur. Donc on voit dans ce hadith-là un exemple de ça, de la part de Mu'az ibn Jabal, du fait que comment il répond et comment il agit lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui enseigne des questions ou des points qui ont rapport avec la religion. Donc on va s'arrêter ici inshallah pour aujourd'hui et on continuera la semaine prochaine inshallah dans l'explication donc de Kitab al-Tawhid et le résumé du Sharh. Donc aujourd'hui c'était le cours numéro 2. Et donc, Inch'Allah, la semaine prochaine, samedi prochain, Inch'Allah, on va commencer ensemble le chapitre numéro 2. Hein, qui parle de Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Le mérite du Tawhid et ce qu'il vient expier ou effacer, de nos péchés. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.